60. Les impasses de la rareté. Lu par Denis Lacassagne. Les impasses de la rareté. Privatisation du vivant. Extension et renforcement du droit d'auteur. Attribution de propriété intellectuelle dans des domaines historiquement libres d'accès. L'expansion du contrôle sur la culture et la connaissance a pris mauvaise tournure ces dernières années, au détriment des ressources communes et accessibles à tous. Comment en est-on arrivé là? La logique à l'œuvre est semblable à celle qui conduit beaucoup de gouvernements depuis les années 80 à prôner le tout-marché. La vulgate néolibérale a promu l'initiative privée comme condition première de l'efficacité économique. Le refrain est connu, la gestion publique mène à la gabegie et au gaspillage, le communisme a démontré son inanité en Union soviétique et seule la propriété privée peut inciter les gens à faire bon usage des ressources en les responsabilisant. Ce raisonnement a naturellement été appliqué à l'immatériel comme si le domaine public et le patrimoine commun des savoirs et de la culture étaient une verrue kolkhozienne au sein d'un monde dominé par le marché. Une fable économique classique illustre bien l'apparent bon sens qui préside au découpage du monde en tranches de propriété. C'est celle de la tragédie des communaux, Tragedy of the Commons, un article publié par le biologiste Garrett Hardin en 1968 et qui sert encore aujourd'hui de socle aux contempteurs des espaces publics. Hardin imagine un champ communal où chacun a le droit de faire paître son troupeau. À chaque instant, les éleveurs vont se poser la question de l'opportunité d'ajouter un animal de plus à leur cheptel. L'intérêt de la manœuvre est évident. Une bête de plus, c'est plus de viande, plus de cuir, plus de lait et plus de revenus. L'inconvénient, c'est que l'animal broutera plus d'herbe dans le champ et qu'il y aura moins de ressources pour les autres. En bon nomo economicus, empreint de rationalité, l'éleveur va faire ses comptes, son intérêt est immédiat et lui seul en profitera, alors que l'inconvénient sera supporté par tous. Résultat, le paysan ajoute une bête à son troupeau, puis une autre et une autre encore. Et comme tous les paysans sont arrivés à la même conclusion, tous augmentent la taille de leur troupeau de la même façon. Chaque homme est enfermé dans une logique qui l'incite à accroître son cheptel sans limite, dans un monde qui est limité. La ruine est la destination vers laquelle tous ces hommes se précipitent, chacun poursuivant son intérêt personnel au sein d'une société qui croit en la liberté des communaux. La liberté dans les communaux apporte la ruine à tous, conclut Hardin. La solution, la propriété privée, plaide Hardin. Mais de fait, la tragédie des communaux est avant tout la justification théorique d'un phénomène historique connu sous le nom de mouvement des enclosures. La transformation des communaux en propriété privée a bouleversé en profondeur les campagnes anglaises entre le XVe et le XIXe siècle. Cette mutation économique a jeté sur la route de petits éleveurs forcés de vendre le seul bien qui leur restait, leur force de travail. Elle a dû s'imposer par la violence, physique et d'État, pour faire respecter les nouvelles règles. Elle a poussé des familles entières à l'exil ou au brigandage. Mais sur le long terme, arguent les défenseurs de la propriété privée, les enclosures ont montré une efficacité redoutable. Contrôlés par des propriétaires soucieux de leurs biens, les ex-communaux sont passés du gaspillage et de la surexploitation à une gestion responsable. Des investissements importants ont été réalisés dans l'irrigation, la voirie. L'agriculture a pu entrer dans la modernité, la production de céréales s'envolait, tout comme l'élevage. Et in fine, tout le monde en a bénéficié.